Le livre de l'Exode. Si Moïse est l'auteur de la Genèse, il a aussi écrit les quatre livres suivants. Dieu a parlé à son serviteur dans la contrée de Madian, située au désert d'Arabie. Effectivement, Moïse a passé 40 années de sa vie dans cette région, qui fut le berceau d'une découverte de grande importance pour le monde, la découverte de l'alphabet. Elle intervint dans l'histoire peu avant que Moïse, poussé par l'Esprit de Dieu, n'écrive le texte de la Genèse. Dieu a sans doute permis cette découverte à cette époque et en cette région pour faciliter la tâche des écrivains sacrés chargés de communiquer sa révélation aux hommes. Si vous avez votre Bible sous la main, prenez la peine de l'ouvrir dans le livre de l'Exode, au chapitre 17, verset 14. Au moment de la bataille avec Amalek, l'ennemi d'Israël, Dieu donne un ordre précis à Moïse. Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Dans le livre ? Quel livre ? Eh bien, tout simplement, la collection de rouleaux de papyrus où Moïse avait déjà rédigé les textes des premières pages de la Bible, c'est-à-dire toute la Genèse et le début de l'Exode. Il devait y ajouter alors la narration de la bataille d'Amalek que nous trouvons au chapitre 17 de l'Exode. Ainsi, la révélation divine se constituait progressivement au fil des jours et des événements. Du reste, le Pentateuque mentionne le livre à diverses reprises. Il est appelé tour à tour « livre de l'Alliance » ou « livre de la Loi » et il joue un rôle toujours plus important dans la vie d'Israël. Dans les derniers chapitres de la Genèse, nous trouvons les fils de Jacob en Égypte. Là, ils se sont multipliés rapidement, devenant un peuple tellement puissant que les souverains d'Égypte commencent à s'en inquiéter. Ici, l'Exode reprend le fil du récit où la Genèse l'a laissé, et c'est de ce livre que nous nous proposons de vous donner un bref aperçu. C'est le 15e siècle avant l'ère chrétienne. Racisme et antisémitisme apparaissent pour la première fois dans l'histoire. Des dispositions hostiles animent les nouveaux pharaons à l'égard d'Israël, soumis désormais à une dure servitude. Les chapitres 1 à 11 de l'Exode peuvent s'intituler « Esclavage en Égypte ». Mais Dieu va délivrer Israël du pays de ses oppresseurs. Il envoie Moïse et Aaron son frère pour transmettre au roi d'Égypte l'ordre de libérer son peuple. Pharaon n'en tient aucun compte, et Dieu juge l'Égypte par une succession de plaies catastrophiques qui paralysent son économie nationale. En dépit de ces sévères avertissements, Pharaon continue à s'opposer à la volonté de l'Éternel. Aussi, Dieu inflige-t-il à l'Égypte un châtiment suprême, la mort des premiers-nés dans tous les foyers. Simultanément, Dieu prépare Israël à sa prochaine délivrance. Il ordonne à tout chef de famille de rassembler les siens dans sa maison, d'immoler un agneau, d'en recueillir le sang et d'en asperger les linteaux de sa porte. À ce sujet, je vous invite à lire au chapitre 12 de l'Exode, les versets 12 et 13. C'est Dieu qui parle. « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. » Et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Dieu fait une différence entre ceux qui le servent et ceux qui s'opposent à ses plans. En vertu du sang de l'agneau qui marque les portes des maisons israélites, le peuple est à l'abri du jugement qui sévit sur toute l'Égypte. Le sang de cet agneau, immolé en quelque sorte à la place du premier-né de la famille, est à la fois un signe pour l'ange destructeur et une couverture efficace garantissant Israël du jugement qui s'abat sur l'Égypte. Cette nuit-là, il y eut des pleurs et des détresses terribles dans tout le pays, mais les premiers-nés d'Israël furent épargnés. Et ce peuple qu'on voulait retenir à tout prix comme esclave fut alors chassé du pays. Il quitta triomphalement l'Égypte après plusieurs siècles de terribles servitudes. Le texte biblique précise qu'il sortit à main levée, c'est-à-dire ouvertement, face à ses oppresseurs et dans la victoire de Dieu. L'Éternel ordonna alors que cette délivrance soit célébrée chaque année par la fête de la Pâque. Il s'agissait de rappeler aux générations futures que l'agneau pascal avait été le moyen choisi par Dieu pour accomplir cette extraordinaire rédemption. L'apôtre Paul dit au sujet des Israélites et de Moïse : ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Pourquoi ces événements survenus en Égypte il y a 34 siècles sont-ils d'un intérêt évident pour nous-mêmes ? Parce que la rédemption d'Israël hors d'Égypte illustre une autre délivrance, celle du pécheur racheté par le sang de Jésus-Christ, que Jean-Baptiste présenta un jour comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 29. Ne lisons donc pas l'Exode comme si ce livre ne racontait que de l'histoire ancienne. Israël gémissait sous l'oppression, mais c'était l'image d'une autre servitude, celle qui peut-être vous afflige personnellement, celle qui vous arrache aujourd'hui des larmes et des gémissements. En effet, vous êtes peut-être encore esclave d'un maître plus despote que Pharaon, Satan, le dominateur des âmes, celui qui vous tient par le péché. Or Dieu ne veut pas vous laisser ployer sous le joug de la servitude. Il est descendu autrefois pour délivrer Israël, et il est descendu une nouvelle fois pour vous délivrer, vous. Et le moyen qu'il a choisi pour cette délivrance, c'est précisément le sang d'un agneau. Non pas un agneau tiré d'un troupeau, mais Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le sauveur des hommes, qui a offert son sang pour nous racheter. Écoutez ce que l'apôtre Pierre écrivit à son sujet. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. 1 Épître de Pierre, chapitre 1, versets 18 à 20. Israël a cru au moyen choisi par Dieu pour le délivrer. Il était à l'abri, comme couvert par le sang de l'agneau. Résultat, il échappa miraculeusement au jugement sur l'Égypte et quitta le pays. Les chapitres 12 à 15 de l'Exode nous parlent de cette délivrance qui préfigure la glorieuse rédemption du pécheur en vertu du sang de Jésus-Christ versé pour lui à la croix du calvaire. Ne voulez-vous pas, vous aussi, aujourd'hui même, vous mettre à l'abri sous le sang de Christ ? Dieu vous dit, comme à l'Israélite d'autrefois, « Le sang vous servira de signe. Je verrai le sang, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. » Dès l'instant où vous croyez en la vertu expiatoire du sang de Jésus-Christ, vous êtes à l'abri du jugement qui doit venir sur le monde. Vous êtes au bénéfice de son œuvre de rédemption. Vous êtes affranchi de la domination de Satan, le prince de ce monde. Vous changez de maître. Vous passez des ténèbres à la lumière. Vous êtes racheté par le sang de l'agneau pour suivre et servir Dieu. Vous marchez en nouveauté de vie dans le chemin que le Seigneur vous ouvre. Pour Israël, ce fut une succession d'expériences glorieuses. Sortie de l'Égypte, Exode 12 et 13, traversée miraculeuse de la mer Rouge et délivrance de Pharaon, Exode 14, cantique de louange à l'Éternel, Exode 15. Dieu prit en main son peuple au désert, il lui donna une nourriture spéciale, la manne, Exode 16. Il fendit un rocher et en fit couler de l'eau, puis il délivra Israël d'Amalek, son premier adversaire, Exode 17. Du mont Sinaï, il transmit à Moïse ses ordonnances, les 10 commandements, Exode 18 à 20. Ces 10 commandements qui constituent la charte des relations de Dieu avec l'homme, dont les obligations morales sont à la base de bien des législations modernes. Et Dieu révèle des lois supplémentaires touchant la vie civile, morale et religieuse d'Israël, Exode 21 à 24. Après la rédemption, c'était la marche de la sanctification, c'est-à-dire l'éducation spirituelle au désert, où le peuple se consacrait à servir Dieu. Et c'est ainsi que nous parvenons au chapitre 25 à 40 de l'Exode, qui nous décrivent la construction du tabernacle, ce temple portatif que les Israélites utilisèrent pendant 40 ans pour adorer Dieu et qu'ils introduisirent ensuite dans le pays de la promesse. Or, un programme analogue est ouvert aux rachetés de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire aux pécheurs pardonnés par le sang de l'agneau, à l'enfant de Dieu qui marche en nouveauté de vie. Après la rédemption que Dieu lui a accordée, il fera l'expérience de la vie de sanctification et d'éducation de la part de Dieu. Il recevra du ciel la nourriture spirituelle dont il a besoin. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu, la Bible. Dans les épreuves de la vie, sa foi sera fortifiée parce que le Seigneur le conduira de victoire en victoire. Il mettra en pratique les commandements de son Dieu et il éprouvera progressivement le désir de servir et d'adorer son Seigneur dans sa marche chrétienne quotidienne. À cette différence près qu'il n'aura besoin d'aucun temple et d'aucun tabernacle, car le tabernacle n'est que l'image des choses célestes, la préfiguration de l'œuvre rédemptrice de Christ pour son Église. Pour conclure ce survol de l'Exode, regardons à la perspective de la gloire éternelle réservée aux croyants de la terre entière. L'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament, évoque le cantique par lequel un jour les créatures célestes loueront Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10. Êtes-vous certain de faire partie de ces rachetés, arrachés à la servitude du péché et au royaume de Satan par le sang rédempteur de l'agneau de Dieu? Sinon, acceptez maintenant ce salut parfait et vous vivrez à votre tour une délivrance définitive du pouvoir du péché, un véritable exode sur le plan spirituel, une sortie victorieuse, un nouveau départ dans l'existence. Sortie, départ, c'est précisément là le sens du mot exode. Si la Genèse est le livre des commencements, l'exode est le livre de la délivrance. Lisez et vivez donc l'exode.